Audiomatique. amorcer la transmission 473 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la dernière simple du trio new-yorkais Bark, soit la pièce Arcade, parue le 10 novembre 2023. Et maintenant, sans plus tarder, c'est au tour de l'artiste sud-africain Desire Marea d'assurer la continuité à Audiomatique. Yeah. Audiomatic, c'était le projet américain East Forest et la pièce Clay Steps que l'on retrouve sur son plus récent album Music for the Deck of the Titanic, publié le 3 novembre 2023. Tout juste avant, on avait droit à l'artiste anglais Vince Clarke, qui est connu comme un des membres du duo Erasure et un des membres fondateurs de Yazoo et Depeche Mode. De son premier album solo intitulé Songs of Silence et sorti le 17 novembre 2023, nous écoutions sa composition The Lamentations of Jeremiah. Et pour débuter, il s'agissait de l'artiste sud-africain Desire Marea, qui fait également partie du duo Faka. De son plus récent mini-album The Baddies of Isandlwana, lancé le 9 novembre 2023, nous entendions la chanson Tolakele. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe britannique The Cure. Stars. Disco balls. Go-go dancers. Just you and me. Just you. Audiomatique, nous avons entendu le projet londonien Vrom avec la pièce Horizon qui est disponible depuis le 24 novembre 2023 par l'entremise de l'étiquette de disque R&S Records. Précédemment à Vrom, il s'agissait du trio allemand Dina Summer qui nous offrait la pièce Hide and Seek Club Edit tirée du mini-album Hide and Seek, qui sera disponible à partir du 23 février 2024. Et pour débuter, nous avions droit à The Cure, qui nous interprétait la pièce de Snake Pit de leur 7e album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, lancé en 1987. En conclusion de cette transmission 473 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe allemand The No Twist. De son 8e album Messier Objects, est paru en 2015, nous écouterons la pièce Das Spiel ist Haus. Les pièces se retrouvant sur Messier Objects ont été composées pour des productions théâtrales et radiophoniques. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc The No Twist et la chanson Das Spiel ist Haus. C'était Audiomatique avec les sonoristes.